Psaume 118. Célébrez l'Éternel, car il est bon, parce que sa bonté demeura toujours. Qu'Israël dise maintenant, que sa bonté demeura toujours. Que la maison d'Aaron dise maintenant, que sa bonté demeura toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent maintenant, que sa bonté demeura toujours. Me trouvant dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et l'Éternel m'a répondu, et m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne craindrai point. Que me ferait l'homme? L'Éternel est pour moi entre ceux qui m'aident, c'est pourquoi je verrai en ceux qui me haïssent ce que je désire. Mieux vaut se confier en l'Éternel, que de se confier en l'homme. Mieux vaut se confier en l'Éternel, que de se reposer sur les principaux d'entre les peuples. Toutes les nations m'avaient environné, mais au nom de l'Éternel je les mettrai en pièces. Ils m'avaient environné, ils m'avaient, dis-je, environné, mais au nom de l'Éternel je les ai mis en pièces. Ils m'avaient environné comme des abeilles, ils ont été éteints comme un feu d'épine, car au nom de l'Éternel je les ai mis en pièces. Tu m'avais rudement poussé, pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a été en aide. L'Éternel est ma force, et le sujet de mon cantique, et il a été mon libérateur. Une voix de chant de triomphe et de délivrance, retentit dans les tabernacles des justes, la droite de l'Éternel, s'écrie-t-il, fait vertu. La droite de l'Éternel a haute élevé, la droite de l'Éternel fait vertu. Je ne mourrai point, mais je vivrai, et je raconterai les faits de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a point livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, j'y entrerai, et je célébrerai l'Éternel. C'est ici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Je te célébrerai de ce que tu m'as exaucé, et de ce que tu as été mon libérateur. La pierre que les architectes avaient rejetée, est devenue le principal du coin. Ceci a été fait par l'Éternel, et a été une chose merveilleuse devant nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, égayons-nous et nous réjouissons en elle. Éternel, je te prie, délivre maintenant. Éternel, je te prie, donne maintenant prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est le Dieu fort, et il nous a éclairés. Liez avec des cordes la bête du sacrifice, et amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu fort, c'est pourquoi je te célébrerai. Tu es mon Dieu, je t'exalterai. Célébrez l'Éternel, car il est bon, parce que sa miséricorde demeura toujours.